Bienvenue à Compars Ciné, le premier podcast de notre comment dire, de notre bureau de production. Hein. On va faire plusieurs podcasts qui sont consacrés à la culture, sous ces divers aspects. Il y en a au moins deux formats qui sont prévus. Alors, le premier format, donc, c'est celui de Compars Ciné. Je vous explique en deux mots comment ça va se passer. D'abord, présente-nous. Hein. Moi, je suis Gégé et en face de moi se tient, si tu veux te présenter. Juju. Ah, d'accord, c'était bien toi, c'est ça. Donc, notre podcast, donc, Compars Ciné, c'est ni plus ni moins que prendre deux films, deux remakes, ou quand on n'aura plus d'idées pour le remake, un épisode et sa suite, et les comparer. Nous allons commencer par, dans ce premier podcast, à comparer le Choc des Titans, Clash of the Titans, comme on dit en anglais avec mon fabuleux accent, donc le Choc des Titans de 1981 contre le Choc des Titans de 2010. Le premier Choc des Titans a été réalisé par Desmond Davis et le deuxième par Louis Leterrier. Voilà, donc nous allons suivre, nous avons vu les deux films sans pratiquement dormir à aucun des deux. Hein, bon, je me suis assoupli un petit peu en prenant des notes, mais en fait, bon. Moi, donc, j'ai pas pris de notes, mais au moins, j'ai pas dormi. Ça commence. Hein. Donc, voilà, ça commence comme ça. Donc, le premier film, les deux films que nous allons analyser, donc, Le Choc des Titans de 1981, très célèbre car les effets spéciaux de l'époque ont été réalisés par Ray Harryhausen. Des fesses. Alors c'est extrêmement Ray Harryhausen, voilà. Alors vous avez vu des certes, si vous êtes né des années 70, 80, vous avez vu des films où il avait fait les effets spéciaux, il est extrêmement célèbre. Et tandis que le film de Louis Leterrier en 2010 a eu un certain succès, il y a eu un deuxième épisode d'ailleurs qui a été réalisé par la suite. Je verrai, je sais pas s'il a été réalisé par Louis Leterrier, il me semble pas, mais enfin bon. Donc voilà, donc déjà j'ai envie de dire, commençons par le début des deux films, c'est-à-dire que le premier film se commence par la mise à l'eau de Percé et de sa mère sur une musique qui, moi, me semble grandiloquente. Voilà. Tu es censé me demander pourquoi j'ai choisi ce film. Ah pardon, ah, oui, parce que alors là ça va être dur. Donc ce film a été choisi par Juju, hein, donc... Mais parce que tous les auditeurs, c'est-à-dire ben moi, hein, pour l'instant, se posent la question de savoir pourquoi, dans ta petite tête, est venue l'idée de comparer ces deux films. Alors, j'ai choisi ce film parce que, pour moi... Ces films, excuse-moi de te rattraper, non, mais je me parle. En fait, moi, à la base, je voulais pas comparer des films. Je voulais parler des films que j'aime. Et en fait, Le Choc des Titans, donc la première version, c'est un film culte qui, pour moi, m'a marqué quand je l'ai vu. En fait, j'étais enfant. Et il y a des scènes qui m'ont vraiment marqué. Et je me suis toujours demandé à quel film appartenaient ces scènes auxquelles je repensais souvent. Notamment la scène de la femme qui monte dans la cage qui est transportée par le vautour. Mm-hmm. La scène de, bon, bien évidemment, de la tête de la gorgone, là, quand il coupe la tête de la gorgone. Et l'histoire aussi du casque, du bouclier et de l'épée. Et je me rappelais avec précision de certaines scènes comme ça. Et aussi quand il passe le Styx, là, avec la pièce. Mais bon, je me rappelais plus que c'était ce film. Donc, en fait, j'avais vraiment envie de le revoir. Et ça m'a fait super plaisir de le revoir. Et en fait, ce film est génial. Voilà. Mais c'est vrai que les effets spéciaux de Ray Harryhausen sont assez... On va pas dire que c'est pas toujours les mêmes, mais en fait, vu que c'était le seul à faire ce genre de choses, quoi, pratiquement, on a du mal, il en a fait une tripotée, il y a eu Sinbad le marin, où il me semble que dans Sinbad aussi, il y a une cage qui est amenée par... Il y a des effets spéciaux qui se recoupent un peu, quoi. Par exemple, des squelettes, il y en a dans plusieurs de ces films, les combats de squelettes qu'on peut retrouver dans Jason et les Argonautes. Voilà, Jason et les Argonautes. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'a, déjà, premier avis, hein, j'ai envie de dire, lequel des deux films tu as préféré? Alors, le premier, bien évidemment, comme tu l'as compris, comme je viens de le dire. Le premier, c'est-à-dire par rapport à quoi? Le premier chronologiquement. Ah, celui de 1981, donc. Voilà. Et en fait, en le revoyant, même si je me rends compte qu'il y a des effets spéciaux qui sont vraiment, comment dire, qui ont vieilli. Mais oui, parce que la bête, elle est en carton-pâte, ça se voit. Le vautour, c'est vraiment, voilà, comparé à ce que tu fais aujourd'hui, c'est bidon complètement. Néanmoins, le scénario est tellement chouette, les acteurs sont fantastiques, hein, et du coup, ben voilà, ce film, il est génial, même si les effets spéciaux, ils sont complètement dépassés. Et au final, ça prouve ce que je te dis tout le temps, c'est que ce qui importe le plus dans un film, c'est le scénario. Parce que l'épisode de 2010, là, la nouvelle version, franchement, les effets spéciaux, ils sont, voilà, comme ça se fait aujourd'hui, ils sont super, mais... Je suis pas d'accord. Mais l'histoire, elle est nulle. Voilà. Alors, moi, les choses qui m'ont le plus choqué, c'est au niveau de la musique. Quand j'ai vu la version de 1981, donc de Desmond Davis, je trouve que je le dis bien, alors je le dirai plusieurs fois, parce que je trouve que c'est trop la classe, comme je le dis. Je trouve que la musique, chaque fois qu'il y avait des scènes avec la musique, ça m'a marqué, quoi. Je me suis dit, pour la musique, elle est chouette. Tandis que celui de Choc des Titans de Louis Leterrier de 2010, je n'en ai aucun souvenir. Mais alors, vraiment, il n'y a pas un moment où je me suis dit, pour la musique, elle est chouette, ou... Aucune, mais vraiment rien. Et contrairement à toi, je pense que les effets spéciaux de l'ancienne version, bien sûr, tu vois que c'est du carton pâte. Mais, alors, c'est pour ça que peut-être on fera une version avec des enfants pour voir ce qu'eux ils en pensent, parce que nous, il y a bien sûr le côté nostalgie qui nous fait un peu pencher, qui fait un peu pencher la balance, quoi. Mais, moi, je trouve que c'est pas gênant que les effets spéciaux aient vieilli. C'est au contraire. Effectivement, on voit que c'est du carton. C'est ce que je suis en train de dire. Mais on voit que c'est physique, quoi. T'as dit que les autres. Hein... Non, tu n'as pas dit ça. T'as dit que les effets spéciaux d'aujourd'hui sont super. Ah. Je dis que les effets spéciaux de la première version ont vieilli, mais que ce qui importe, c'est le scénario. Eh bien, c'est exactement. Vous êtes témoin, auditeur. Oh oui, il y a des témoins. Non, mais ce que je te dis, c'est que tu. Moi, je parle que des effets spéciaux. Moi, je te dis que les effets spéciaux qui datent de 1981, je les trouve mieux que ceux de 2010. Ah. Voilà. Là, tu as pigé, là ? Oui, j'ai pigé. Alors, dans ce cas-là, rentrons dans les détails. Par exemple, la Gorgone, je trouve qu'elle est super bien faite, même si elle est en carton-pâte. Par contre, le Kraken, franchement, quand il sort des buts, il fait rigoler, le Kraken. Non, ça, j'ai pas rigolé du tout. Non, moi, j'ai trouvé... j'ai pas eu peur. Mais justement, la façon de le filmer, quand il sort... Déjà, il y a toute une préparation qui, moi, je trouve, n'y a pas dans le film de Louis Leterrier de 2010. C'est-à-dire que les choses sont amenées, vu que, justement, ils savaient, même à l'époque, que les effets spéciaux, il valait mieux cacher un petit peu, quoi, si tu veux. On te parle du Kraken avant de le voir. Il y a les vagues qui... On voit les dégâts avant que le Kraken arrive à lui-même. Et on le voit sortir de la cage, mais pas entièrement. On voit que ça peut bouger. J'ai trouvé que cet effet spécial-là était... Moi, je trouve réussi quand on le voit sortir de la cage. Et tout est comme ça. C'est-à-dire que chaque fois, avant de te montrer quelque chose, ils en parlent dans le film, les acteurs, enfin, les personnages en parlent. Et le vautour, oui, et le vautour. Le vautour, il arrive, personne n'en a parlé. Oui. Il est en carton-pâte. Il est en carton-pâte. Oui, mais ce dont je parle, c'est que la plupart des choses qui vont arriver dans le film, les personnages commencent à l'évoquer avant, quoi, si tu veux. Ça te fait. Sauf le vautour. Un peu plus. Oui, sauf le vautour, peut-être. Oui, effectivement. Mais même le vautour, le fait que tu vois... Moi, je trouve que c'est l'idée quoi, qui est géniale. C'est-à-dire, la princesse, on la voit sortir. C'est son âme, en quelque sorte, qui sort de son corps, oui, qui rentre ça, dans une fait, cage, qui monte dans une cage qui est sous... voilà, c'est pas très simple, quoi. Ils auraient pu avoir une autre idée où elle disparaissait comme par magie. Ça aurait été filmé. Tandis que là, ils se sont donné du mal et une idée un peu extravagante. Franchement, je pense que dans les voyages de Sinbad, il y a une scène à peu près comme ça, quoi. Il faudra que je vérifie. Mais voilà, tout est amené et on t'en parle tellement que tu es préparé à voir quelque chose. Bon, alors, à l'époque, ça semblait extraordinaire parce que moi, enfant, je sais que ça m'avait quand même... Ah, ben moi aussi. Alors, espanté, comme on dit dans notre belle région, mais voilà, moi les effets spéciaux ne m'ont absolument pas gêné. Après, c'est vrai qu'il y a quelques longueurs. Non, mais il y en a qui sont bien faits, par exemple le cheval ailé, oui. Pégase, c'est super bien fait ça. Oui. D'ailleurs, je me suis demandé comment à l'époque ils ont pu faire ça, sans les images de synthèse. Grâce au documentaire que j'ai vu sur Ray Harryhausen, qui est des journalistes qui travaillent pour Mad Movie. Ils expliquaient et en fait voilà, c'était le genre de trucage qui est très difficile à faire parce qu'en fait il animait donc image par image, c'est-à-dire pour faire 2 minutes où on voit Pégase, il fallait par exemple 4 jours et c'était seulement Harryhausen seul qui bougeait les pattes. Je dis des bêtises parce qu'en fait justement ça a été le premier film où il a eu deux collègues qui sont venus l'aider parce qu'il s'en sortait pas, quoi, pour ce film-là. Mais, et donc, il était suspendu, si tu veux, le cheval, et on le filmait avec un système de cache qui est assez complexe, que, même en regardant le documentaire, j'ai pas vraiment compris comment ils ont fait. Ça répond à ta question, est-ce que je suis en train de dire ? Des systèmes de cache, d'accord. Pour rajouter des ailes, ils mettaient des caches. Non, non, non. Alors, en fait, tu vois, le Pégase, c'est une poupée, si tu veux, avec des ailes. Mais pour faire l'incrustation, par exemple, pour quand Percé est devant lui, quoi, si tu veux, d'abord, ils filmaient la scène avec Percé tout seul, d'accord ? Il y a un morceau, il tenait un bâton devant Percé pour lui montrer où c'est qu'il faut qu'il regarde. Ils filmaient, ils prenaient les images, ils passaient ça sur un écran qui était en fond derrière la poupée. Ils plaçaient la poupée devant l'écran, si tu veux, en quelque sorte, et étaient projetées les images de Percé. Et donc, il fallait animer image par image, et le film était passé de Percé image par image pour voir pour animer Pégase au fur et à mesure. D'accord, mais alors, si je comprends bien, Percé, il y a Percé. Ouais. Il y a une poupée. Ouais. À aucun moment, il y a un cheval. Non, il n'y a aucun moment. Si, dans les gros plans, bien sûr. Quand il caresse la tête bon, de Pégase. Je regarderai le reportage parce que ça très bon esprit. Mais non, mais quand Pégase vole, si tu veux, c'est un faux. C'est un faux Pégase. Ah, zut. Oui, c'est pas un vrai cheval qui s'est équipé d'elle. Avec un moteur qu'ils auraient placé, je sais pas comment, on va pas être grossier pour le premier podcast, même fait. Donc voilà, quoi, c'était un système, et après il y avait un système de cache et tout ça, mais donc c'était un sacré boulot, quoi, pour l'époque. Même aujourd'hui, de toute façon, quand ils programment sur ordinateur, j'imagine que c'est pas extrêmement rigolo à faire. Hein, comme, mais à l'époque, c'était artisanal, tandis que maintenant, c'est. Et moi, je trouve justement, alors, dans le film de Lulu Terrier, il faut savoir que je crois qu'il a été. Post converti en 3D ou sinon il a été filmé en 3D, il me semble qu'elle a été post converti celui-là. Donc l'image, les effets spéciaux ont certainement un peu vieilli aussi parce que moi je trouvais qu'il y avait certains passages qui étaient très mal faits où vraiment on voit le personnage, les acteurs en vrai et les images faites par ordinateur, on voit vraiment là, une grosse différence. Mais revenons au bon film. Quand la tête c'est le cas des deux. Quand la tête de Tétis tombe par terre et qu'elle ouvre les yeux et qu'elle parle. Mm-hmm. C'est super bien fait, ça. Ça mais ça, très on bien voit fait. Comment c'est fait. Parce qu'on voit qu'ils ont pris un visage de femme et qu'ils l'ont comment dire. Ah, mais ils ont projeté sur. Ils l'ont mis sur la statue. Mais c'est vraiment super bien fait, je trouve. Oui, ouais, moi aussi, ça m'a choqué ce passage. Enfin, ça m'a surpris. Ben, ça, par contre, je pense que tout bonnement, c'est comme un rétroprojecteur sur un écran. Hein. Mais est-ce que tu veux qu'on explique un petit peu le film, ce qui se passe dans le film, ou on donne notre avis comme ça? On peut expliquer ce qui se passe, mais d'abord, je voulais dire ce que j'avais à dire, c'est moi, je le dis. C'est tout? Tu quittes le podcast, t'as non, fini non, ta journée? Non, vas-y, explique ce qui se passe. Donc, alors, entre les deux films, déjà, il y a quelques différences notables scénario. Alors, dit comme ça... Il n'y a que des différences, franchement, les deux films ne se ressemblent pas du tout au niveau du scénario. Moi, j'étais extrêmement déçue du deuxième, justement, parce qu'ils ne respectent pas du tout le scénario du premier. Et justement, alors, je voulais te demander, Jérôme, la nouvelle, arrête de me couper la parole. On va dire la nouvelle version. Je ne peux plus. Quand il y en a un qui parle, l'autre, il doit l'écouter. Et c'est interdit de couper la parole. Ma vie est un enfer. Allons-y. Non, mais c'était juste pour préciser. Pour les auditeurs. Il y a l'ancienne version, on va dire, et la nouvelle version, parce que toi tu dis le premier film et le deuxième. Mais le premier, c'est chronologiquement. Ah, c'est d'accord. Le plus ancien. Oui, bon, ok. Bon, dans l'ancienne version, si tu veux, non, c'est ce que je voulais te dire, ce que je voulais te demander, c'est dans quelle mesure un remake doit respecter le scénario du premier film. Si on parle de remake, ça veut dire qu'il le refont, voilà, mais à mon sens, il faut respecter le scénario du premier. Refaire, ça veut dire refaire avec les moyens techniques qu'on a aujourd'hui. Ça ne veut pas dire tout changer de A à Z, parce que là, franchement, à part le personnage de Percé et la Gorgone à la fin, je veux dire, l'histoire, elle est complètement différente. J'ai jamais de dire que, vu que c'est quand même leur pognon, ils font un peu ce qu'ils veulent. Hein. Déjà, petit homme. Hein. Ils ne peuvent pas te resservir exactement la même histoire. Ça s'est fait. Il y a Hugo Svensson là, qui avait fait Psychose, qui était un décalque, mais alors, avec des acteurs d'aujourd'hui, si tu veux. Mais exactement. C'est vrai? Ouais, eh ben on le regardera, tu en feras un podcast sur Psychose. Mais alors vraiment, scène par scène, plan par plan, tout est pareil que dans le film original. La seule chose qui change, c'est que c'est en couleur, et deux, c'est des acteurs d'aujourd'hui, quoi, si tu veux. Mais après, tous les axes de caméra et tout ça, tout est exactement pareil. Oui, c'est Gus Van Sant, ouais, je suis sûr à 85%. Donc, mais alors, ça m'intéresse de le revoir. Dans le choc des titans de l'ancienne version, quoi, on va dire que... Zeus est vraiment là pour protéger Persée et le problème vient avant tout d'une déesse qui s'appelle, je crois, Jopé. Tétis. Non, Jopé. Dans le premier ou dans le deuxième ? Dans le premier. Dans l'ancienne version, c'est Jopé. Mais non, c'est Tétis. Non, c'est Jopé. C'est Tétis qui protège le méchant. Ouais, c'était Tétis. Ouais, statue de Tétis. Ouais, je l'ai marqué. Oh, pardon, excusez-moi. Ah, ça sert à quoi de prendre des notes, hein ? Jopé, c'est qui ? Je crois que c'est la mère, en fait. Jopé. Non. La mère, c'est Anaï. Ah non, Jopé, c'est une ville. Pouf, quel nul. Bon, enfin, donc tout vient. Le problème de tous les problèmes de Persée viennent en grande partie de Tétis qui est jalouse parce que son fils a été transformé en monstre. Tandis que dans la nouvelle version, en fait, c'est un affrontement entre humains et les dieux. Voilà, ils s'entendent de plus, les dieux, les humains ne respectent plus les dieux. Et il y a Hadès qui vient mettre le souk. Et on va dire que le personnage de vraiment de méchant, c'est Hadès qui l'a. Quoi. Au final, on peut dire que le scénario a été simplifié dans la deuxième version. Puisque c'est Hadès le méchant contre Persée le gentil. Persée est protégé par le dieu Zeus. Et Hadès, c'est un dieu mais méchant. Quoi. Non, Persée, il est protégé dans les deux films par Zeus. Attends. Mais moins dans la nouvelle version. Parce que Zeus, c'est lui qui dit punissez les. Enchaîner Andromède et tout le bazar. Il ne l'aide que parce que c'est son fils et qu'il a des remords. Mais les deux ne s'entendent pas d'ailleurs. De quoi tu parles ? Eh bien, de Persée et de Zeus, dans la nouvelle version. Voilà, il lui donne. Il l'aide un petit peu, si tu veux, mais c'est à contre-coeur. Et c'est lui, à la base, qui se fait convaincre par Hadès que les humains ne le respectent plus. Je m'en rappelle plus. Eh ben bravo, ça sert à quelque chose. Tu vois, moi j'ai dormi mais j'ai pris des notes. Donc voilà, donc le scénario est un petit peu changé. Alors, moi je trouve que l'idée n'était pas inintéressante, le fait de la confrontation entre les humains et les dieux, je trouvais ça intéressant, mais je trouve que c'est extrêmement mal amené parce que justement le personnage de Zeus là qui aide son fils à l'aider, à l'aider. Je suis pas d'accord, en fait c'est pas les humains contre les dieux, c'est le gentil Persée qui est dans le deuxième film, dans la nouvelle version, c'est un simple pêcheur. Donc c'est vraiment une histoire de vengeance personnelle parce que ses parents et sa sœur sont morts, donc il veut se venger des dieux. Voilà. Et donc c'est pas un affrontement entre les humains et les dieux, non, ça ? Non, parce qu'il ne représente pas les humains, sa race ou son empire, alors que contrairement à la première version, pas, c'est un prince. On voit pas les humains en train de déboulonner une statue au début du film, justement, quand il est dans la barque avec son père. Les humains, ils sont en train de casser une statue. Il y a Hadès qui vient, qui dit à Zeus, ouais, les humains, ils te respectent plus, il faut les punir et tout ça. Et c'est à partir de là que Zeus décide d'envoyer le Kraken pour détruire la ville, je me rappelle plus comment elle s'appelle déjà, Argos. Qui ne respecte plus les dieux. Et qui, d'ailleurs, Hadès vient et transforme la. Certes, mais c'est une histoire de vengeance personnelle. Que ça. Le reste, hein, alors que ça fait partie du film, on en parle. Non, pourtant, mais parce que, par exemple, dans l'ancienne version, il est question de Persée qui est amoureux d'Andromède. Et ils forment un couple à la fin. Enfin, pas qu'à la fin d'ailleurs, ils forment un couple. Oui. Alors que dans la deuxième version, il n'y a pas du tout cette histoire d'amour-là. Au contraire, puisque c'est plutôt même, il y a un couple entre Persée et un nouveau personnage qui n'était pas dans la première version. Alors, attends, c'est qui s'appelle Lo. Ouais, Lio. Lio, il s'appelle. Lio, je me suis rappelé parce que je suis à fond dans le hip-hop. On peut dire même que ce personnage-là, Lio, il est envoyé par les dieux pour l'aider à lui, un peu comme la chouette dans le premier épisode. Sauf que cette chouette, dans l'ancienne version, elle n'y est pas dans la nouvelle version, elle y est sous forme de clin d'œil. Par contre, il y a cette Yo-là qui prend beaucoup plus d'importance. Oui, mais elle n'est pas envoyée par les dieux. C'est juste une qui voit un peu l'avenir. Elle a une malédiction quand même sur ses épaules. Donc, oui. Et à la fin, elle est ramenée par un dieu. Donc moi, je pense qu'elle a été envoyée par un dieu. Bon, ça, c'est pas dit, ça, c'est des supputations. Alors, tu parles de la chouette, hein ? J'ai été choqué. Quand dans la nouvelle version, là, il prend dans la chouette, hein, il la balance hein, comme si c'était un truc à mettre au rebut. Tout à fait. Alors que c'est un personnage charismatique de la première version. Quoi. C'est vrai. Parce que cette chouette, on s'y attache. Alors, la version de 1981 est un peu plus drôle, on va dire. Il y a un côté un petit peu comique sur certains aspects. Principalement de la chouette, mais en fait, il y a d'autres moments un peu comme ça, un peu style de comédie. Quoi, qu'on ne retrouve pas vraiment dans la version de la nouvelle version. Et donc, bon, moi en tout cas, la chouette, ça m'a vraiment choqué. Alors qu'ils la mettent pas parce que aujourd'hui, le public a peut-être changé d'esprit et tout ça. Bon, moi je veux bien, mais faire ça là, vraiment de la jeter au rebut alors que c'était un personnage quand même important, je trouve que c'était une erreur quoi. Enfin, c'est montrer peu de respect envers les chouettes. Exactement. Surtout les vieilles chouettes. Oh, ça oui. Et on en connaît plein de vieilles chouettes, méritent pas ça. Donc. Le casque aussi, c'est dommage qu'il voit le casque. Le casque qui est invisible, c'est génial cette idée. Oui. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme pour... Là, il a juste l'épée. Il a le cheval Pégase. Ouais. Et est-ce qu'il a le bouclier pour voir la gorgone? Non, c'est avec la carapace du scorpion là. Qui oui, fait donc il a quand même un bouclier, mais voilà. C'est pas un bouclier donné par les yeux. C'est scorpion là. C'est... Alors dans la nouvelle version, dans les deux versions, il y a des scorpions. Mais alors, dans la nouvelle version, là, il monte à dos de scorpion, là, ça, j'ai pas pu. Je trouve ça complètement débile. Et alors, le fait qu'il fasse un bouclier avec une écorce de scorpion, je trouvais ça, cette idée-là, complètement débile aussi. On se demande pourquoi, tout de goût. Comme les deux personnages, de toute manière, incarnés par Mouloud Achour, un et l'autre, je sais pas. Mais ces deux personnages-là aussi, tu te demandes, ils font un tome là comme un cheveu sur la soupe. Ouais, tout à fait. Belle expression, Julie, bravo. Sur la soupe. On commence à y voir un petit peu plus clair, hein, on commence à avoir nos goûts, hein, bien sûr. Qu'est-ce que c'est qu'on peut encore dire là-dessus? Alors, il y a donc beaucoup de choses qui changent. Moi, je trouve que alors, là où les deux films sont un petit peu équivalents, c'est le héros, Percé, notamment, qui, je trouve, dans les deux versions, anti-charismatique. Anti-charismatique? Ouais, ah ouais. Ah bon? Ouais. Ah ben, moi je trouve que dans l'ancienne version, celui qui joue le rôle là, je n'ai plus son nom, je vais le retrouver. Moi je trouve qu'il est charismatique avec ses cheveux là. J'adore sa coupe de cheveux d'ailleurs. Je trouve que son jeu, alors c'est Harry Hamlin. Je trouve que franchement il joue pas très bien quoi. Il est un beau garçon, mais ça s'arrête là quoi. Et Sam Worthington là, dans la nouvelle version, qui a pas fait une super grande carrière, bon, c'est Avatar et puis on peut dire que c'est tout. Mais il manque vraiment. Alors j'ai une anecdote. Sujet. Ah, oui, parce que moi aussi j'ai travaillé. Donc figure-toi que cet acteur-là, comme il a joué dans Avatar et que la sortie d'Avatar s'est faite avant la sortie du choc des Titans et même avant le montage a été fait différemment parce que la maison de production là, a souhaité que cet acteur soit mis en avant pour que le film marche mieux. Pour des questions, on va dire, au marketing. C'est pour ça que le scénario a souffert de cette volonté-là, justement, de couper certaines séquences où il n'apparaissait pas pour qu'il soit mis à l'avant. C'était peut-être plus un travail d'équipe, tu veux dire. Hein? Que là, c'est centré sur le personnage de Sam Worthington, mais c'est un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, c'est une équipe qui va chercher un truc. Ils sont une équipe, quoi. Il y a les deux, dont Mouloud Achour, plus Mads. Non, mais t'as rien compris à ce que je t'ai dit. Non, alors non. Alors. Bon, alors je réexplique. Le film était tourné, mais il n'était pas encore monté, ok? Bon. J'ai suivi jusque. T'as tu compris. Vas répéter ce que tu as dit tout à l'heure. Je suis en train de dire pareil. C'est-à-dire que maintenant, tout est centré sur Sam Worthington. Ouais. D'accord? Mais avant, le film, peut-être, c'était plus un travail d'équipe. Voilà, tout à fait. Mais voilà. Tu t'étais mal exprimé. Ah, les auditeurs, ce qu'il y a de bien, c'est que les auditeurs, si vous pouvez m'envoyer des encouragements et dire la vérité afin qu'elle soit révélée. Voilà. J'avais déjà très bien expliqué. Peut-être qu'il y aura plus d'auditrices de mon côté que d'auditeurs du tien. Ah, purée, ça m'étonnerait. Donc, le seul personnage qui est charismatique dans la version de 2010, c'est Mads Mikkelsen. Alors, s'il pouvait changer de nom et avoir un nom que je puisse prononcer sans me dire je vais mal le prononcer, ce serait mieux. Mais qui vraiment, ce gars C'est qui en fait? C'est celui qui l'aime pas trop au début et qui au final est son ami là, qui l'aide jusqu'au bout là, qui à la fin meurt là. Il a, ben alors, bravo, je dis qu'il a du charisme, mais tu te rappelles pas de lui? Ah oui, tu m'en rappelles. Voilà. Qui c'est est... le barbu. Tout c'est de barbe, je la déteste. Voilà, bon en fait, toi peut-être ça t'a pas marqué, mais bon c'est un acteur qui a. Si c'est le barbu, je vois très bien qui c'est. S'il avait une longue queue, c'était un scorpion, hein, ça. Ouais. Donc voilà, cet acteur-là, il est bon. Il y a Gemma Arterton aussi qui joue le rôle de Yo ou de Lo, ça dépend comment on le prononce ça. Moi je dis Yo. Mais qui là est blanche comme si on l'avait passé sous la dent de la farine, mais qui joue vraiment un rôle un petit peu anecdotique. Hein. Donc voilà, au niveau des acteurs, bon, franchement, moi je dis que les deux héros là, bon, j'ai une préférence pour celui de 1981. Mais voilà. de peu. Hein. Par contre, dans la première version, l'ancienne version, il y avait quand même Laurence Olivier qui joue Zeus, qui lui aussi a du charisme. Alors de l'autre côté, on a son nom m'échappe, comment il s'appelle déjà ? Liam Neeson. Voilà, qui aussi a du charisme, mais là, il est tellement maquillé que ça. J'ai pas trouvé que son rôle est. En plus, il est blanc de chez blanc, là, avec des effets spéciaux. Le premier film était plus simple dans sa présentation des dieux, je trouve aussi. Là, ils ont voulu faire des costumes un peu compliqués. Et que, moi, je trouve, tout à fait. Moi, j'aimais bien la présentation des dieux, justement, quand Zeus présente chacune des déesses. C'est pas mal. Non, mais ils sont habillés de blanc et tout simplement. Mais vu que c'est quand même des acteurs qui. Non, mais de suite, on comprend qui est qui. T'as les déesses qui sont présentées. Je trouve que c'est assez clair. J'aime bien le petit théâtre de statues aussi qu'il a. Oui, qu'on retrouve dans le deuxième épisode. Ça aussi, ça m'a. C'est vraiment chouette. Et du coup, ça me fait penser qu'en fait, ce péplum-là, c'est aussi, ça peut être vu comme un film de fantasy, si on prononce comme ça. Mm-hmm. Comme, tu sais, Star Wars. Oui. Ça m'a fait penser à Star Wars, en fait. Tu sais, la complexité des personnages, plein de familles, de qui aime qui déteste qui, les histoires familiales et tout ça. Et j'aime bien, mais du coup, il y a vachement de complexité au niveau des personnages. Oui, non, mais de toute façon, Star Wars, c'est vachement inspiré de la mythologie. Hein. Ah. C'est justement, George Lucas, il avait lu un livre d'un gars qui disait que tous les mythes du monde entier peuvent être simplifiés, si tu veux, et ramenés à un seul mythe, en quelque sorte fondateur, d'accord, qui inspire tous les mythes. Et c'est. Le héros rencontre un problème, tout va bien, le héros rencontre un problème, il lutte contre ce problème, et à la fin, soit ça finit bien, soit ça finit mal. Mais la plupart des histoires, si tu veux, c'est toujours à peu près la même trame, quoi, si tu veux. Voilà, c'est... Ouais, enfin, moi je te parlais plutôt des personnages et de la relation qui sont entre eux, et du nombre surtout de personnages qui est assez difficile à suivre finalement. Mais il y en a beaucoup. Mais... Enfin, moi je trouve au début du Choc des Titans, il faut quand même se concentrer pour se rappeler dès le départ quels sont les personnages, sinon après t'es paumé dans le film. Ouais, bon, si tu te rappelles pas du nom d'une déesse, tu vois qu'elle est méchante, elle est méchante. Ouais, d'accord, mais bon, voilà, il faut savoir qui est protégé par qui est en conflit avec qui, etc. Tu vois. Oui, mais ça, c'est parce que toi, tu es une spécialiste de la mythologie et c'est ce genre de questions qui t'intéressent. C'est vrai, si je t'ai fait venir en ce podcast, c'était avant tout pour le doctorat que tu as eu en mythologie grecque et latine. Ceci était un blanc. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, ce qu'on peut dire aussi pour comparer ces deux films, là je dis ça pour me donner du temps pour réfléchir parce que j'ai pris plein de notes, mais là, paf, je ne sais plus de quoi parler. C'est par exemple, bon, voilà, des épisodes marquants, moi c'est par exemple les trois sœurs qui va voir pour savoir où. C'est pas des sœurs, c'est des sorcières. C'est pas sœurs. Bah, c'est pas mentionné. Bon, moi j'ai appelé les trois sœurs. On va dire les trois sorcières pour simplifier et se mettre d'un commun accord. D'accord. Eh bien, dans l'ancienne version, les maquillages étaient simples, mais franchement, j'y crois, quoi, parce que c'est des vrais, véritables acteurs qui jouent le rôle, tandis que dans la nouvelle version, moi, les trois là, j'ai pas trouvé. Moi, j'ai préféré l'ancienne version. Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tout est misé sur les effets spéciaux, mais au final, voilà. Voilà, je sais quoi dire. Là, ce qui m'a choqué dans la nouvelle version, je pense que c'est une volonté, hein, si je me trompe pas, c'est le fait que tout a l'air plus ou moins réaliste, parfois c'est filmé en décor naturel, quand on les voit monter sur les montagnes et tout ça, c'est des décors assez jolis. Et tout d'un coup, ils se retrouvent dans un décor où il va se passer quelque chose, il va y avoir un effet spécial qui va sortir, et là, on n'y croit plus du tout, on voit que c'est un studio, et ça sort complètement du film, quoi. Il y a alors qu'ils sont, ce que je trouve qu'il y avait moins dans Le Seigneur des Anneaux, moi ça m'avait moins fait ça, parce que c'était filmé en Nouvelle-Zélande, et au moment où il y avait des effets spéciaux, tu sortais pas complètement du film, mais alors là, c'est vraiment les costumes, quand c'est filmé en studio, font carton pâte, hein, on n'y croit pas du tout. Alors qu'il y a vraiment des belles séquences quand même, hein, faut pas non plus tout rejeter dans la nouvelle version. Ils se sont donné les moyens, quoi, quand même. Hein, il y a des beaux paysages et tout ça, mais alors, dès qu'on rentre en studio, on le voit de suite. Hein, les cailloux qu'il y a, on voit que c'est fait en carton. Et on se dit, alors là, il va y avoir de l'effet spécial dans les 3 secondes. Voilà, moi, ça m'a vraiment sorti du film. Hein, et voilà, quoi. Ça m'a vraiment choqué aussi, ça m'a vraiment dérangé. Il y avait le personnage du djinn, là, dans la nouvelle version aussi, qui n'était pas dans l'ancienne, hein, on dirait presque un gars qui vient du Sahara, quoi, qui est un personnage aussi, une image de synthèse, qui est. On ne sait pas vrai, il ne dit pas de mots, hein, je pense, hein, il gargouille un peu, mais on ne sait pas ce qu'il dit. Mais pourquoi il est là, on c'est pas vraiment son intérêt. Il arrive en plein milieu du film, mais vu qu'il dit pas un mot. Ouais, voilà, on sait quoi. Pas trop pourquoi il le suit non plus. Voilà. Il quand il meurt. On s'en moque. Voilà. Tout à fait. Il m'a pas manqué. Quoi. Je suis désolé. Arrête pour lui. Donc il y a aussi des moments aussi. À un moment, il y a Yo aussi qui entame un combat, on dirait ninja, quoi. Ouais, elle fait des passes là, tout d'un coup. C'est une sorte de prêtresse qui voit l'avenir. Hein, et tout d'un coup, là, allez, commence à se battre. Hein, on dirait Marc Dacascos, là. Donc, il y a aussi le fameux le trauma de Mads Mikkelsen, là, qui, en plein milieu du film, t'annonce qu'il a perdu sa fille à cause des dieux, plus ou moins. Voilà, ça, c'est comme dans tous les films aujourd'hui. Mais bon, voilà, et beaucoup de parlotte. Moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de ventre mou, plein de scènes qu'on pourrait enlever facilement, tandis que... Alors, c'est complètement l'inverse de la première version, où sans cesse, il y a plein de trucs. Et justement, je voulais t'en parler de ça, c'est qu'en fait, la première version, j'ai l'impression qu'il y a deux films en un. Parce qu'il y a une première intrigue qui se termine au moment du mariage, où dans cette première partie-là, bah, tu vois qu'il est bébé, il grandit sur l'île, il retrouve, voilà, il retrouve les autres, la civilisation... il rencontre, il a ses trois armes là, il doit battre le méchant, il lui coupe la main, il l'amène, il a le droit d'épouser la princesse, il se marie. Voilà, là je trouve qu'il y a pas vraiment de mariage, ils doivent se marier. Ben, après. Ça se termine le jour du mariage, si tu te souviens bien, qui a la tête qui tombe. Donc là déjà il y a une première intrigue qui se termine puisqu'elle a gagné le cœur de la princesse et le droit de l'épouser en coupant la main, en répondant à la devinette. Et ensuite à partir de là il y a une deuxième intrigue qui commence au moment où la tête tombe. Et là, il doit partir dans une autre quête qui est couper la tête de la Gorgone pour pouvoir tuer le Kraken avec le bouclier et Pégase. Donc voilà, le film, il est fait, construit comme ça, je trouve. Et c'est marrant parce que je n'ai jamais vu ça, je pense, dans un autre film. Le fait que c'est vraiment découpé dans deux morceaux très, très distincts. Oui, c'est vrai. Oui, je n'avais pas réfléchi, mais quand tu en parles comme ça, je suis presque tenté d'être d'accord avec toi. Non, c'est bien la première fois. Ah ouais. Et du coup, j'ai trouvé que le film était long. Oui. Mais vraiment très très long, mais à cause de ça. À la première, tu vois, quand il était devant l'hôtel là, en train de se marier, tu vois, presque on aurait pu dire, oh, bah, c'est bon, clac, on va se coucher, on verra la suite de même, parce que t'es content, quoi. Tu vois, là, la première partie, elle est finie, ça se finit bien. Ouais, et non, après, ça repart de... En fait, ça redémarre du début, tu vois. Ça repart de zéro, avec une nouvelle quête à accomplir. Donc... Voilà, ça, toute cette partie, je la couperai au montage. C'était long. Oui, mais au final, il y a de la réflexion. Oui, non, mais. Tu es espanté et esbobi par la pertinence de mes propos, à vous deux. Alors, pense qu'il y a des gens qui viennent du Nord, hein. Ils viennent pas du Sud, mais espanté, tout ça, il faut faire attention au vocabulaire qu'on emploie. Tu l'as dit tout à l'heure. C'est vrai. Mais moi, c'est pas pareil. Donc, il y aura, si vous cliquez à droite sur votre portable, il y aura une traduction automatique qui se fait, bien sûr. Quand nous sommes pratiquement des ingénieurs en informatique et nous arrivons à faire ce genre de choses-là. Alors, dans les deux films, moi, j'ai trouvé que bon, tu couperais 15-20 minutes, ça me porterait que mieux, quoi. Mais c'est moins dérangeant dans l'ancienne version parce que je trouve qu'il y a un côté comédie qu'on ne retrouve pas dans la nouvelle version qui se veut plus sérieux. Il y a des punchlines, hein, ils disent des trucs, là, des fois, c'est un peu style. Voilà, moi, je suis un gars qui me voit, quoi. Donc, ils veulent faire les méchants, quoi, en quelque sorte. Il y a quand même des semblants de blagues, hein, dans la deuxième version. Non. Non, je parlais pas à toi. Il y a des semblants de blagues dans la deuxième version. Oui. Demande-moi lesquelles. Ah, attends, vas-y, redemande-moi-le. Il y a quand même des semblants de blagues dans la deuxième version. Ah oui ? Bon, ça, mais lesquelles, Julie ? Par exemple, quand à un moment donné, il est dans la barque avec son copain le barbu, j'ai oublié le nom. Et qu'il sourit tous, et il se tourne vers le barbu, il lui dit « Tu souris jamais ?» Et l'autre, il lui répond « Non, quand tout cela sera fini. » Alors qu'eux, ils sourient, mais eux-mêmes, c'est la première fois du film qu'ils sourient. Oui. Et ensuite, il y a un autre endroit, c'est quand il y a celui qui a une tronche bizarre, là. Comment c'est un quoi, déjà ? Un jeans. Un jeans, qu'à la fin, il dit... Pas un jean, hein. Quand il a gagné, il dit « Je remercie tous les hommes et toutes les femmes, et toi, quoi que tu sois. » Ouais. Et l'autre, il fait « Il fait « Oui, voilà. C'est deux blagues ratées, mais c'est des tentatives de blagues. C'est vrai. C'est vrai que c'était raté. Ouais. Oui, alors, les sortes de moments de comédie qu'il y a dans l'ancienne version, on n'a pas rigolé aux éclats non plus. Mais vu que c'est bon enfant, ça passe mieux, quoi. Il n'y a pas des blagues dans le premier. Si, il y a tout, comment dire, le personnage de l'acteur, là, si tu veux, l'ancienne, là, qui le vieux. Ouais, le vieux, là, si tu veux, il y a un côté un peu amusant, quoi. Si ah tu oui, quand il fait son entrée, voilà, avec des effets spéciaux. Il n'y a pas vraiment de blague, ce que je dis, mais même les dieux et tout ça, tu vois dans les yeux des acteurs, ils jouent sérieusement, mais il y a quand même un petit... Ils sont bourrés. Non, mais tu vois quand même que ils savent que c'est un film léger, quoi. Voilà, c'est... Ouais. Voilà, tout le long, les monstres qui apparaissent et tout ça, c'est quand même un petit peu comédie, quoi. Kitsch. Quand même. Voilà, kitsch, on va dire. Même à l'époque, je pense qu'ils avaient conscience... Du fait que c'était kitsch. Voilà. Et ceux qui arrivent à percer aussi. Bon. Je sais plus. D'ailleurs, ils auraient pu l'appeler Troué. Troué, percé. Eh ouais. Et ça. Bon, enfin, voilà, là, je ne sais plus du tout où j'en suis. Non, mais reconnais qu'elle est bonne. Plus tard, tu me supplieras pour enlever ce moment, tu vois. Tu me supplieras et je te dirai non. Enfin bref, donc passons, combien ça fait de temps qu'on enregistre? Ça fait 36 minutes qu'on enregistre déjà, le temps passe vite avec toi ma chère Julie, grâce à tes mots d'esprit et tes mots d'humour. Donc voilà, est-ce qu'il y a déjà d'autres choses, d'autres remarques à dire sur ce film? Je réfléchis, on peut faire une pause pendant qu'on réfléchit. Attention, j'appuie sur le... reprise de l'enregistrement. Alors voilà, j'ai relu un petit peu mes notes, et moi surtout... Tu parlais de la durée, qui te semblait que c'était deux films pour l'ancienne version, quoi. Je trouve qu'il est beaucoup plus copieux, tu vois, l'ancienne version. C'est-à-dire, on te donne du monstre, de la péripétie. Ah mais oui, ça n'arrête pas. Dans la nouvelle version, malgré les effets spéciaux et tout ça, qu'est-ce qui se passe là, au final, là, qu'est-ce qui se passe pendant le film, hein? Si on résume, ils affrontent les scorpions, ils affrontent la méduse et ils affrontent le kraken. Et le méchant Hades, des marécages. Moi je trouve qu'il voilà, il y a beaucoup. Il est simplifié, ouais. Voilà, on voit, c'est alors, on pourrait dire que l'ancienne version est un peu plus foutraque parce que voilà. Ça veut dire quoi? Ben qu'il y a beaucoup de choses, comme tu disais, on dirait qu'il y a un film en deux parties, quoi, si tu veux. Donc, ils sont bourrés. Il y a le scorpion, il y a le monstre, enfin. Il y a peut-être plus de choses. Moi, ça, il me semble c'est plus ça. Généreux. Voilà, c'est oui, ce que... oui, tout à fait. Généreux en séquence d'effets spéciaux ça. De l'époque. C'est ça, ça n'arrête pas. C'est vraiment incroyable. Et en fait, c'est ça qui m'avait marqué, moi, quand j'étais enfant. Voilà, toutes ces scènes-là qui me revenaient, c'est vraiment très, très, très riche. Ouais, c'est ça, ça n'arrête pas. Alors que à l'époque, bon, faire un film comme ça, bon, ça coûtait déjà du temps et du budget. Mais voilà, peut-être c'est une vue de l'esprit, hein, mais voilà, les séquences de la Méduse nous ont marqué. Je pense pas que maintenant on est habitué à avoir des effets spéciaux dans tous les films, c'est peut-être pour ça que c'est moins marquant. Mais par exemple, juste le Kraken, la nouvelle version, il est pas moche. Il est pas moche, le nouveau Kraken de la nouvelle version. Mais déjà, on voit que c'est une image de synthèse et on se dit, bon, ils ont fait ça, ils auraient pu y mettre 12 têtes. Voilà. On a l'impression qu'avec l'ordinateur, tout est possible. Donc, pourquoi lui donner cette forme-là? Et que je le dis encore une fois, la forme, elle est cool. Alors, il paraîtrait que le vrai Kraken dans la mythologie nordique, parce que c'est pas. Oui, en fait, ça vient pas de là. Hein. Voilà, ça vient pas de cette mythologie-là, mais qu'importe. Donc, le vrai Kraken, il avait des tentacules et il ressemblait à un calamar géant. Donc là, dans cette version de 2010, ils ont repris la forme humanoïde du Kraken de 1981 avec une tête et un buste, mais ils lui ont rajouté des tentacules comme dans la véritable mythologie. Alors, ce qui était chouette, ce qui à mon avis était plus difficile à faire à l'époque, c'est le fait qu'ils utilisent Pégase pour affronter plus ou moins le Kraken, quoi. Et Pégase aussi, qui est blanc dans la première version et noir dans la deuxième. Étrange. Ça voudrait-il dire des choses? Ouais, il aurait dû rester blanc. On sait pas. Le blanc, c'est pas anodin, quand même. Je ferai pas de blague là-dessus. Tu connais ma retenue. Je ferai pas de blague là-dessus. Bon, il est peut-être temps de conclure. Alors déjà, on va dire au final. Au final, merci Gégé pour ce podcast, parce que je suis très heureuse d'avoir revu ce film, ça me fait beaucoup plaisir. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment un film parfait pour les enfants, parce qu'il donne à rêver, en fait. Et je pense qu'on aurait dû regarder ce film avec les enfants et qu'on devrait leur montrer. Bien écoute, ce sera fait, dès qu'on les sera sortis de la cave, hein, où on les a enfermés depuis une semaine pour les punir d'avoir tombé de l'eau par terre. On est un peu comme ça. Donc, et toi, Jérôme, ton avis sur... Alors, moi, je reste vraiment attaché à la première version de 1981. Bon, certainement par nostalgie. Je pense qu'on le fera, ça. On réenregistrera le podcast. On va leur montrer les deux versions. Et on fera une sorte d'appendice. Un mini-podcast. Voilà, un mini-podcast pour leur demander. Ou sinon, on résumera leur avis. Ils n'ont pas besoin de dire eux-mêmes. Hein, parce que de toute façon, ils savent à peine parler, vu qu'ils ne sont jamais sortis de leur cave. Mais voilà, quoi. Mais donc, voilà. Est-ce que c'est par pure nostalgie? Il me semble pas, parce qu'on vous a quand même exposé des avis vérifiés, certifiés scientifiquement, comme quoi l'ancienne version est bien mieux que la nouvelle. Oui, parce que parfois, on voit un film quand on est enfant et quand on le revoit adulte, on se dit « mais c'est nul, ça vieillit, c'est kitsch », alors que là, ça m'a pas du tout fait cet effet, en fait. Je me suis régalée de le voir, même si je l'ai trouvé un peu long par moment, mais enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Oui, parce qu'il y a du rythme, il est rythmé. Ce qui manque aussi à la version, à la nouvelle version. Donc, écoute, je crois que... Pour conclure, je souhaite parler du prochain film qu'on pourrait peut-être voir. Allons-y, alors... Alors, tu l'as mentionné tout à l'heure, mais j'avais pensé et je voulais te le demander justement. J'aimerais beaucoup revoir un autre film qui m'a marqué lorsque j'étais enfant, c'est Jason et les Argonautes. Mais il n'y a pas de nouvelle version. Il n'y a pas un remake, hein ? Ça, je crois pas. Cherche. Je vais regarder, mais... Ou peut-être il existe une version en faite, mais... Un film cheap, quoi, un peu là. Je regarderai, j'étudierai ça. De toute façon, donc, c'est pas le podcast à Juju, il faut bien se dire ça. Donc, on va essayer de mettre en place. On va faire peut-être des recommandations. Est-ce que tu as vu des choses récemment que tu as envie de parler à faire, non, mais faire là, ça va être hors sujet. Là, on a fini le podcast. Oui, mais souvent, les podcasts, car moi, j'en écoute beaucoup. D'ailleurs, je tiens à dire que cette idée-là m'est venue en écoutant un Super Ciné Battle que je vous engage à écouter si vous ne l'avez pas fait, ça m'étonnerait même fait. Et surtout une heure de perdu, deux heures de perdu, qui est aussi un podcast fantastique. Alors, on n'est pas encore à ce niveau, mais ça ne saurait pas tarder. Donc, on va essayer de mettre en place un système un peu comme deux heures de perdu où vous pourrez proposer des films qu'on pourrait comparer, voilà, comme on vient de le faire. En faisant des... Oui, mais d'abord, c'est nous qui choisissons parce qu'on fait ce qu'on veut. Oui. Eh oui, je vais tenter de couper son micro si j'arrive à pouvoir. Non, ça va être trop compliqué. Donc, voilà, vous pourrez faire des recommandations de films, mais toujours à comparer. Hein. Alors, au début, on va vraiment s'axer sur les remakes de films. Quand on n'aura pas d'idée, on fera sur les suites, c'est-à-dire le 1 et le 2. Sinon, on choisit un film qu'on aime et on en parle. Par exemple, Jason et les Argonautes. Non, je veux pas faire ça parce que ça se fait beaucoup. Il y en a beaucoup. Là, le truc là que je trouve intéressant, c'est le fait de comparer deux films, quoi. De mettre, de voir le pour et le contre. C'était notre premier podcast. Ça faisait très longtemps qu'on voulait l'enregistrer. Donc là, il manque encore des éléments. J'essaierai de faire plus de recherches pour les prochains. Mais là, il fallait qu'on enregistre parce que sinon, on ne le ferait jamais. Ça a été aujourd'hui, mais pour la prochaine fois, je vais essayer d'être un peu plus complet, de prendre des notes d'une façon un peu différente, de préparer tout ça. Mais en fait, il faut bien se jeter à l'eau un jour, donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Vous envoyez des cartes postales. Vous n'avez pas notre adresse, donc vous ne pourrez pas. Mais vous pouvez écrire des mots et les laisser dans des poubelles et notre équipe se chargera de les retrouver. Non, mais on va mettre en place un système de, je sais pas, de courrier, tout ça. On va essayer de communiquer un peu sur Facebook pour se faire de la pub et voilà, toucher le plus grand nombre. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est 20 000 auditeurs au minimum dès la deuxième semaine d'écoute. Donc, pour ça, on est prêt à tout. Donc voilà, il y en aura des prochains. Il y a un autre format que l'on est en train de mettre au point, mais on vous réserve plus ou moins la surprise. On fait la surprise ou on en parle déjà un petit peu? Non, là t'es en train de broder déjà. Et voilà. Et oui, ça, paf, croyez que tout va bien et on vous dit ça. Donc eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire au revoir pour un prochain podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. Là, en fait, je brode parce qu'il faut que je cherche la musique de fin. Et j'aurais pu mettre la pause, c'est vrai. Et voilà, à une prochaine fois. Si vous le voulez bien.